Rhénane d'automne, de Alcol, de Guillaume Apollinaire. Enregistré pour LibriVox.org. À Toussaint-Lucas. Les enfants des morts vont jouer dans le cimetière. Martin, Gertrude, Hans et Henri. Nul coq n'a chanté aujourd'hui Kirikiki. Les vieilles femmes, tout en pleurant, cheminent. Et les bons ânes braillent « hi-han » et se mettent à brouter les fleurs des couronnes mortuaires. C'est le jour des morts et de toutes leurs âmes. Les enfants et les vieilles femmes allument des bougies et des cierges sur chaque tombe catholique. Les voiles des vieilles, les nuages du ciel, sont comme des barbes de bique. L'air tremble de flammes et de prières. Le cimetière est un beau jardin, plein de saules grises et de romarins. Il nous vient souvent des amis qu'on enterre. Oh, que vous êtes bien dans le beau cimetière! Vous, mendiants morts sous de bière, vous les aveugles comme le destin, et vous, petits enfants morts en prière. Oh, que vous êtes bien dans ce beau cimetière, vous bourgmestres, vous bateliers, et vous, conseillers de régence! Vous aussi, tziganes sans papier. La vie vous pourrit dans la panse. La croix nous pousse entre les pieds. Le vent du Rhin ulule avec tous les hiboux. Il éteint les cierges que toujours les enfants rallument. Et les feuilles mortes viennent couvrir les morts. Des enfants morts parlent parfois avec leur mère. Et des mortes parfois voudraient bien revenir. Oh, je ne veux pas que tu sortes. L'automne est plein de mains coupées. Non, non, ce sont des feuilles mortes. Ce sont les mains des chairs mortes. Ce sont tes mains coupées. Nous avons tant pleuré aujourd'hui. Avec ces morts, leurs enfants et les vieilles femmes. Sous le ciel sans soleil, au cimetière plein de flammes. Puis, dans le vent, nous nous en retournâmes. À nos pieds, roulaient des châtaignes dont les bogues étaient comme le cœur blessé de la Madone, dont on doute si elle eut la peau couleur des châtaignes d'automne. Fin du poème, enregistré par Namouzette. Cet enregistrement fait partie du domaine public.